Hadès, encore. Pour se remettre en question, il faut en prendre le temps, se donner de la peine et garder une certaine distance par rapport à soi-même. Ce n'est pas que Faustine soit plus frivole qu'une autre, mais chaque nouvel échec lui fait toucher du doigt son impuissance. Que faire pour ne pas sombrer? Elle pourvoit aux urgences de son être matériel au détriment des besoins de son être spirituel. Continuer à vivre ainsi n'est plus possible. Mais à son grand désespoir, elle ignore comment procéder pour inverser la spirale plongeante. Elle est malade, réellement malade, à l'égal des milliards d'autres individus tombés au champ d'alcool. La majorité en est morte. Jamais elle ne s'en sortira seule, sauf si elle acquiert l'humilité d'accepter qu'elle a perdu le contrôle de sa vie et trouve le courage de demander de l'aide. Faustine reprend le chemin des groupes de parole. Elle avoue sa rechute et renoue avec la sobriété pour 24 heures à la fois. Ce soir-là, elle se choisit un parrain, un confident qu'elle pourra appeler à n'importe quel moment si elle se sent sur le point de retomber. Marcel accepte volontiers ce rôle qui le confortera dans sa propre sobriété. En AA, le but premier est de rester sobre et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Il faudra bien sûr que Faustine ait le cran de faire appel à lui avant qu'il ne soit trop tard. Et maman dans tout cela? Bien que supportant mal les soirées en solitaire, elle ne se décide pas pour autant à accompagner sa fille qui culpabilise de la laisser seule. Fin juillet, Marina, la femme de Stéphane, téléphone. Elle a accouché, quelques jours plus tôt, d'une petite Sabrina. Maman et Faustine ne savaient même pas qu'elle attendait encore un enfant. Elles ont à peine le temps de féliciter la jeune maman que celle-ci les interrompt en hurlant. Son mari est un salaud. Il les a abandonnées, ses filles et elle. Une heure plus tard, maman et Faustine sont chez elle. Maman, trop heureuse de remettre un pied chez son fils chéri, n'aurait loupé l'occasion pour rien au monde. La soirée prend une tournure désagréable pour Faustine lorsque Marina fait part de son besoin de changer d'air. Maman saute sur l'occasion d'autant plus volontiers qu'elle y voit une opportunité d'ingérence. Et c'est Faustine qui se retrouve au front avec deux bébés. Adrienne, l'aînée, âgée d'une année à peine, et Sabrina qui ne cesse de hurler. Une nuit d'enfer dont elle se serait bien passée. Ce n'est qu'aux petites heures du matin que Marina rejoindra le lit conjugal dans lequel Faustine et ses deux nièces ont fini par s'endormir. Vers 8 heures, Stéphane débarque, la gueule enfarinée. Sa femme lui tombe dans les bras et plus rien d'autre n'existe. Faustine n'a plus qu'à rentrer chez elle, épuisée et frustrée d'avoir été utilisée. Au bureau, c'est le calme plat. Bonne période pour s'occuper des archives. C'est le moment que choisit la photocopieuse pour tomber en panne. Cette fois, Zézé ne la fait pas réparer. Il préfère louer une nouvelle machine qui s'avère extraordinaire. C'est un monstre d'efficacité et de précision que Faustine maîtrise rapidement. Impossible de faire la différence entre photocopie et original. Les lettres ressortent même en relief. Cela lui donne une idée. En effet, il arrive qu'elle souffre d'insomnie. Étant donné son passé médical, elle n'ose pas se faire prescrire un somnifère, même léger, par son médecin, qui est aussi celui de maman. D'ailleurs, le seul produit lui convenant, l'Imovane, ne se trouve qu'à la pharmacie internationale de Lausanne ou en France. Faustine se risque alors à modifier une ancienne ordonnance. Cela lui demande plusieurs heures. Beaucoup de typex et d'innombrables essais, surtout pour imiter la signature du toubib. Mais elle obtient, au final, plusieurs photocopies confondantes à utiliser lors de son prochain voyage à Paris. Début août, son avocat téléphone. L'argent de son divorce lui sera transmis le 2 septembre. La transaction se fera chez le notaire d'Orsayville en présence de son ex-mari. Faustine demande aussitôt un congé de 3 jours à Zézé pour se rendre à Paris. Le 15 août 1991, Faustine a 35 ans. C'est un jeudi et elle travaille. Zézé, toujours amateur de bonne chère, n'a pas oublié la date. Il l'invite à l'hôtel de la paix un des meilleurs restaurants de Lausanne. Son épouse les rejoindra. Manifestement, il n'a pas bien compris que Faustine ne buvait pas d'alcool, car il commande d'office une bouteille de vin rouge et sert la jeune femme. On lui porte un toast, bien sûr, mais elle fait juste semblant de tromper ses lèvres, sans plus. Quelle torture! Heureusement qu'il y a de l'eau sur la table et que ses hôtes n'ont pas besoin d'elle pour vider la bouteille. Le 24 août, dans l'après-midi, Marie téléphone. « J'en peux plus. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'arrive pas à arrêter de boire, j'en ai marre. Je suis à bout, je veux mourir. Bouge pas. Fais pas de conneries, j'arrive. » Nous sommes samedi. Faustine embarque sa brosse à dents, prévient maman, saisit sa carte de crédit et monte à la gare. Quelques minutes plus tard, elle est dans le TGV de Paris. Le trajet lui semble désespérément long, d'autant que la jeune femme se met dans un état d'angoisse indescriptible. Sur le trajet entre la gare de Lyon et le 19e arrondissement où vit son amie, Faustine harcèle le chauffeur de taxi pour qu'il aille plus vite, encore plus vite. Le pauvre bougre n'y comprend rien. En le quittant, Faustine commente « Pourvu qu'elle soit encore en vie !» Quelques secondes plus tard, elle sonne à la porte de son amie. Celle-ci vient lui ouvrir. Elle était tranquillement assise dans son salon, un verre de vin rouge à sa portée. Toute la nuit, les deux femmes palabrent entre larmes et larmes. Finalement, elles décident de prendre le taureau par les cornes. Demain, Faustine ramènera Marie à Lausanne avec toutes ses affaires et elle s'organisera pour la faire admettre à la métairie. Il est temps qu'elle ait accès à une cure sérieuse. « Mais je ne pourrai jamais te rembourser. » « Pas grave. Tu sais, je vais bientôt recevoir une petite fortune. Il faut que cet argent serve une bonne cause. » Il doit être exorcisé parce que c'est de l'argent provenant d'un mariage mort. Tu vois, en me laissant t'aider, tu me rends service. D'accord, mais ça s'arrose. Prends un verre avec moi. Et c'est reparti pour un tour. Mais cette fois pour la bonne cause, se persuade-t-elle. Demain, elles arrêteront de boire. À deux, elles seront plus fortes. Les deux amies s'endorment au petit matin. Faustine doit être de retour au bureau lundi et n'y a pas une minute à perdre. Le dimanche se passe à emballer, ranger, vider le frigo, retirer de l'argent au distributeur, rendre les clés à la concierge, jeter tout ce qui risque de moisir. Faustine a réservé des places dans le TGV du soir. Les filles travaillent d'arrache-pied, commandent un taxi, arrivent juste à temps à la gare. Le soir même, Marie dort à Lausanne dans le lit de Faustine, qui, elle, roupit sur un matelas par terre. Ces 8 mètres carrés sont un peu limités. Le lendemain matin, Faustine appelle la métairie. Bien que Marie soit française et non suisse, on lui promet contre une caution de 5 000 francs une place en fin de semaine. D'ici là, il faut l'occuper. Mais sans être sur place, c'est difficile. Faustine s'en remet à maman, plus disponible qu'elle. Heureusement, Zizé est à nouveau en voyage d'affaires. Et beaucoup de sociétés sont encore en vacances. Le travail n'a pas repris à 100%. Faustine use et abuse de son horaire libre, se rendant au travail tôt le matin et s'arrêtant en milieu d'après-midi. Ainsi, toutes trois peuvent profiter de cette fin d'été pour aller se promener à Ouchy, boire un verre d'eau sur une terrasse, louer un pédalo. Faustine emmène également Marie en séance AA. À Paris, elle n'avait pas trouvé de groupe de parole qui lui convienne. Dès lors, elle s'était éloignée des précieux principes et parallèlement avait perdu ses chances de se faire aider sérieusement. Sitôt qu'elle se sent assez forte, Marie appelle un de ses frères. Elle en a 4. Il est temps que sa famille sache où elle se trouve et soit informée de ses intentions. Le monsieur, beaucoup plus âgé que sa sœur, est un coriace. Il craint que Faustine ait entraîné Marie dans une secte et ne comprend pas, au demeurant, il ne cesse de répéter cette expression, qu'elle prenne la cure entièrement à sa charge. La jeune femme a toutes les peines du monde à justifier, au demeurant, sa bonne volonté et son altruisme. Rien n'y fait. L'un après l'autre, les autres frères s'y mettent. Ils ne parviennent pas à comprendre comment on peut être aussi généreux avec une personne que l'on connaît si peu. Eux-mêmes sont bien placés pour le savoir. Leur sœur est irresponsable. Donc, forcément, il y a une raison cachée derrière la bienveillance de Faustine. Par conséquent, Marie est en danger. CQFD. Cela tourne au harcèlement. Pour finir, Faustine leur demande, au demeurant, s'ils souhaitent payer la cure eux-mêmes. Ils peuvent la rembourser. Attention, il s'agit de 1000 francs suisses par jour pendant un mois minimum, 6 semaines maximum. Des volontaires? Non. Vous préférez regarder crever votre sœur sans rien faire? No comment. Faustine est peut-être folle de croire au succès de la cure pour Marie. Elle regrettera éventuellement un jour sa générosité, pour autant qu'elle soit suffisamment attachée au fric. Mais son parcours montre bien que cela n'a jamais été le cas. En divorçant, elle a récupéré ses billes. Elle en fait ce qu'elle veut. Les messieurs inquisiteurs, vaincus à défaut d'être convaincus, finissent par laisser tomber. Et Faustine escorte Marie à la métairie le moment venu. Elle y restera 6 semaines. L'endroit est un havre de paix au bord du Léman. Comment imaginer ne pas se rétablir dans des conditions aussi favorables? Les deux femmes s'embrassent. Quand elles se reverront, une vie nouvelle aura commencé pour Marie. Faustine rentre à Lausanne, bien décidée à accompagner son amie au travers de sa propre participation au groupe AA.